À suivre. La vie à Sainte-Croix sera beaucoup plus facile. Certes, il faudra se taper 3 étages sans ascenseur avec les commissions, et pareil pour aller à la buanderie, chercher du bois au bûcher ou mettre la table au jardin si le temps le permet. Nous apprendrons vite à ne rien oublier. Jean-Paul trouvera une excellente thérapeute qui officie à l'hôpital une fois par semaine. Quel soulagement de ne plus être obligé de faire 3 heures de trajet pour une séance de chiropractie. De tous les avantages, l'un des plus appréciés sera sans doute les innombrables possibilités de randonnée dans une nature très belle. Nous retrouverons ici quasiment toutes les mêmes plantes que dans les Alpes. Il n'y aura que le lait cru qui parfois nous manquera, la crème, le sureau et les montagnes alentour, les tours d'Aï, Mayen, le Famelan. Et ne pleurons pas sur le passé. Surtout, il y aura le temple. Au début, nous irons tous les dimanches. Nous ferons la connaissance des autres paroissiens. On nous invitera à droite, à gauche, histoire de voir si nous sommes fréquentables. On essaiera de nous intégrer dans divers groupes. J'aurais tellement envie d'exprimer ma foi, de matérialiser mon sentiment de reconnaissance, que je m'engagerai à fond. Pendant 4 ans, je serai de tous les projets, toutes les initiatives. L'école du dimanche, le conseil de paroisse, puis la vente de paroisse, puis le petit déjeuner de Noël de la paroisse, les réunions de prière, les conférences, les groupes de ceci et de cela, et enfin certains week-ends de catéchisme pour les enfants où je m'occuperai quasi seule de la logistique et de la cuisine pour 60 ou 80 personnes. Je n'en raterai pas une, serai bénévole à 200%, ne saurais pas encore dire non. Je serais heureuse d'être importante, qu'on me salue dans la rue, d'appartenir enfin à un groupe, flattée qu'on me téléphone pour me mettre au courant des drames et des intrigues du village. Vanitas, vanitatum, omnia vanitas. Jusqu'au jour où je comprendrai, enfin, que je fais défaut à ma propre famille pour le seul bénéfice des ambitions d'autrui et que je n'ai nul besoin de brasser autant d'air pour être une bonne chrétienne. Du jour au lendemain, je quitterai toutes mes fonctions. Ma foi s'exprimera dorénavant de manière plus discrète. Je me contenterai de répondre à des requêtes ponctuelles. Jean-Paul, lui, une fois reposé du transport de nos 30 cartons de livres au 3e étage, du vissage des 200 crochets installés au plafond sur des linteaux de bois pour servir de simèse à ses futurs tableaux et de l'installation efficace de son nouvel atelier, s'attellera à l'écriture de ses icônes. J'apprendrai à cette occasion qu'on ne dessine pas une icône, mais qu'on l'écrit comme une prière. C'est pour cela qu'il y a des canons, qu'on appelle aussi des règles, à respecter. La série de 8 est depuis longtemps dans sa tête en attente de concrétisation. En noir et blanc tout d'abord. Pendant les temps de pause, il préparera les supports des icônes en couleur qui suivront ses premiers prototypes. Il mettra de la gélatine sur des planches en bouleau, puis il les marouflera, procédé qui consiste à poser une toile sur le bois enduit, d'y appliquer au pinceau 25 couches de plâtre, qu'il faudra poncer finement avant de pouvoir peindre dessus. Cela lui prendra tout un été, assis sur une chaise de jardin dans le parc du château. Pendant ce temps-là, une fois accomplies mes tâches de bénévolat et les quelques petits travaux ménagers requis par un appartement de 7 pièces, un mari et 2 enfants, comme à la Fourclaz, je ferai le pain, des pâtes fraîches et des glaces. Je continuerai à faire de la frappe pour certains clients et amis. J'aurai toujours mon fidèle téléfax. 2001. Dans quelques mois, nous renoncerons à la télévision, après les attentats de New York. Puis à l'écoute des nouvelles à la radio, après l'attentat de Luxor. Nous n'en pouvons plus d'assister, impuissants, à la déroute de notre monde. Être assaillis par les médias dès le réveil et ne rien pouvoir faire nous déprime chaque jour davantage. Nous décidons que cela suffit, et tant pis si nous n'avons pas de sujet de conversation pour meubler le repas dominical. Pour nous et pour les enfants, il sera essentiel de garder le moral. Désormais, nous interviendrons dans notre environnement immédiat, et seulement si on nous le demande. Nous prendrons beaucoup de plaisir à explorer la région. Le Jura vaudois offre une pléthore de possibilités. Nous marcherons de Sainte-Croix à Grangeneuve, un chalet d'alpage, pour y manger les croûtes au fromage. Nous irons ensuite de Sainte-Croix à Valorbe, 25 km de randonnée en passant par la Jounienne, une adorable rivière située sur le versant français du Jura. Pour notre pique-nique, nous faisons cuire sur un feu de bois des galettes de pain sans levain, que nous appelons aussi des haïches. Nous les agrémentons de serpolet et d'huile d'olive, ou de noix, de miel et de fraises des bois. Ce soir, nous dormons à l'auberge pour tous de Valorbe, et demain, après un petit déjeuner consistant, nous continuerons sur Romain Mottier et sa superbe abbatiale. En été, nous marcherons de Sainte-Croix à Grandson pour suivre le cours de l'Arnon, encore un autre joli ruisseau. Un autre jour, nous descendrons les gorges de Covatana et nous passerons par Vuitebœuf avant d'aller sur Beaune. Chaque année, nous choisissons un thème. En 2003, l'année de la grande canicule, ce seront les cours d'eau et certains lacs. Une autre fois, ce sera la vie en forêt, et ainsi de suite. Les enfants sont fantastiques, ils collaborent superbement, toujours prêts à l'effort. Nous savourerons pleinement le bonheur d'être avec eux et de les voir évoluer. Fin 2003, après cette série d'icônes en couleur qu'il aura beaucoup de peine à terminer, tant son épaule le fera souffrir, Jean-Paul devra définitivement renoncer à la peinture, comme il aura dû abandonner la marche sur de longues distances quelques mois plus tôt, pour cause d'arthrose dans les pieds. Des examens poussés sanctionnés par des radiographies le condamneront à la paralysie à plus ou moins long terme. Incapable de demeurer inactif, il décidera alors de se former en informatique. Sans travail, sans projet de vie, il deviendrait vite fou. En quelques mois, il maîtrisera Photoshop, puis se lancera sur un concept de petit programme informatique qu'il espérera développer pour les offrir à des personnes qui ne peuvent pas se permettre un ordinateur puissant. 4 ans plus tard, il se rendra compte qu'en fait, cela n'intéresse personne. Ceux qui peuvent s'offrir un ordinateur veulent le dernier modèle. Les autres s'en passent carrément. Tant pis pour eux, mais tant mieux pour notre famille, puisque grâce à notre informaticien maison, désormais, plus personne ne sera en panne. C'est en 2004 qu'Internet paraîtra dans nos vies pour nous offrir la terre entière. Comme nous l'avions suspecté, notre fils est précoce. Ceci, loin d'être un avantage, s'avérera un handicap. Paradoxalement, s'il y a de plus en plus d'enfants dans son cas, il n'y a pas assez de structures pour les accueillir. Et dans celles, très chères, qui existent, on nous dira que la compétition règne et que les enfants n'y sont pas heureux. Tout est fait dans notre société pour niveler par le bas. Que surtout rien ne dépasse. Voyant que Thomas a de sérieux problèmes de comportement à l'école, puisqu'il s'y ennuie ferme et donc se fait remarquer, nous nous arrangerons pour lui faire sauter une classe. Hélas, il sera violemment rejeté par les élèves plus âgés et, comble d'ironie, par certains professeurs. S'ensuivent 2 ans de maltraitance où Thomas ne saura parfois plus par quel chemin rentrer à la maison sans se faire agresser. Chaque jour, nous l'attendons, angoissés, derrière la fenêtre de la cuisine. Puis, ce fut l'attaque de trop. Jamais je n'oublierai ce coup de téléphone, ce hurlement de terreur, appel au secours de mon fils, coincé derrière la porte des toilettes, terrorisé par ses agresseurs qui l'attendent à la sortie. Nous déciderons de le retirer du collège. Tant pis pour la socialisation. Quand on a des amis comme ça, on n'a pas besoin d'ennemis, n'est-ce pas? La loi nous y autorisant, nous continuerons son éducation scolaire nous-mêmes pendant les 3 années suivantes. En m'aidant de sites internet, je lui enseignerai le français, l'allemand et l'anglais, pendant que son père assurera toutes les matières scientifiques ainsi que la philosophie qu'il affectionne particulièrement. Charlotte, quant à elle, quittera l'école 1 an avant le certificat pour un apprentissage qui lui conviendra beaucoup mieux et qu'elle terminera brillamment. À 19 ans, ma fille aura un emploi fixe, un salaire décent, son propre appartement et ses meubles. Elle n'oubliera pas le chemin de la maison où elle viendra de temps en temps nous régaler de ses anecdotes personnelles et professionnelles. Thomas partira à son tour. Il terminera son premier apprentissage de conducteur de poids lourd et enchaînera avec le service civil. Il s'adaptera remarquablement à sa vie de jeune adulte autonome et responsable. Nous nous retrouverons face à un jeune homme intéressant avec lequel nous aurons du plaisir à converser, même si nous ne serons pas toujours d'accord, et dont nous nous réjouirons de suivre l'évolution. Au début, j'aurai un sentiment étrange, moitié immense soulagement, impression du devoir accompli, moitié syndrome de nid vide. Nous reprendrons notre vie de couple là où nous l'avons laissée il y a 17 ans. Nous nous amuserons beaucoup à faire de nouvelles expériences, dépasser nos limites, lancer de nouveaux projets, partir en voyage. Nous ferons preuve de créativité. Désireux de perdre du poids, nous entreprendrons des jeûnes thérapeutiques, puis nous fabriquerons du kombucha, une boisson fantastique qui, entre autres bienfaits, entretient ma sérénité et soigne mes nerfs. Je ferai également des gélules de curcuma, très efficaces pour soigner l'arthrose. Tout cela pour réaliser un beau matin de printemps que Jeannot est en train de recouvrer l'usage de son épaule et de ses pieds. Le jeûne, puis le kombucha, ont ouvert la porte à de nouvelles perspectives. La peinture redeviendra accessible pour lui et il s'y remettra avec enthousiasme. 2015. Notre quotidien est empreint de sobriété. Dans une recherche de conditions de vie satisfaisantes, d'assaise et de bien-être, nous avons sans cesse évolué. Cette année, nous tentons une nouvelle alimentation à base de peu de viande, de plus de poissons, de beaucoup de légumes, de fruits et de graines. Par ailleurs, Jean-Paul a pris le relais de la fabrication de notre pain, depuis que je suis devenue allergique au travail de la farine. Nous conservons notre éthique première de n'acheter que des produits de saison autant que faire se peut et de nous contenter, chocolat excepté, des produits de base que nous travaillons nous-mêmes. Ces quelques habitudes nous permettent de nous sentir en paix avec nos principes et la nature. Nous sommes de plus en plus amoureux et partageons de multiples moments de tendresse et de complicité dans une admiration réciproque. Nous communiquons sans cesse de mieux en mieux. Ce qui n'empêche pas les clashs, nous ne sommes pas parfaits non plus. Nos travaux respectifs, nos projets communs, nous offrent de belles perspectives pour les années à venir. Cela contribue certainement à notre équilibre et à notre sérénité. Nous n'avons jamais oublié notre séjour dans les Alpes. Il nous arrive d'en avoir la nostalgie. Il nous aura enrichis de multiples manières, construits en tant que couple, en tant que famille, rendus plus forts et par-dessus tout, ouverts à la recherche, à la découverte de toutes les solutions possibles pour vivre heureux, en toute simplicité.